Mais je m'aperçois que j'ai l'air de vous faire une déclaration. Ce serait tout au moins prématuré. Et je vous prie de ne rien croire. Je crois que vous êtes le plus loyal et le plus généreux des hommes, dit Mademoiselle Monistrol très émue. D'ailleurs, reprit gaiement Georges de Ménestreau, si je me permettais de vous adresser une déclaration, ce ne serait que pour le bon motif. Et je ne saurais à qui demander votre main, puisque vous n'avez ni père, ni mère, ni tuteur. Je serais obligé, faute de mieux, de m'adresser à M. Gémozac, et ce fabricant serait homme à s'imaginer que je n'en veux qu'à votre fortune. Je ne sais s'il vous prêterait des sentiments qui ne sont pas les vôtres, interrompit Mademoiselle Monistrol, mais je ne dépends pas de M. Gémozac. Et si jamais je me marie, je choisirai moi-même celui que j'épouserai. Pour le choisir, il faudra que je le connaisse bien. Et vous ne me connaissez pas du tout. Aussi, je ne vous demande, quant à présent, que de me laisser espérer qu'après cette expédition, quel qu'en soit le résultat, nos relations n'en resteront pas là. J'en serai très fâché, dit vivement Camille. Vous serez toujours le bienvenu chez moi. Et d'ailleurs, comment me passerai-je de votre appui? Nous n'en finirons certes pas aujourd'hui avec ce misérable zigzag, et je n'ai que vous pour m'aider à le découvrir. Monsieur Gémozac connaît cependant votre projet? Oui, mais il les désapprouve. Et puis il est trop vieux, mais son fils, ce jeune homme que j'ai aperçu dans votre jardin lorsque je suis arrivé. Il les approuve, lui, ou du moins il feint de les approuver. Malheureusement, il est incapable de s'y associer utilement. Tout à l'heure encore, il me parlait d'employer des agents de police. Qui ne trouverait rien du tout. Ils tenaient le coupable et ils l'ont laissé échapper. On ne peut pas compter sur eux. Et à nous deux, mademoiselle, nous ferons de meilleures besognes. Mais ayez donc la bonté de me renseigner avant que nous n'arrivions sur le terrain. Vous n'avez vu de ce zigzag que ses mains. Mais vous m'avez parlé d'une femme qui l'a enlevée. Comment est-elle? Grande et brune. Je l'ai vue un instant sur les tréteaux où elle faisait la parade. Et je l'ai reconnue cette nuit quand elle s'est montrée à la fenêtre de la maison où nous allons. Bon, vous la reconnaîtrez encore bien mieux ailleurs. Mais n'a-t-il pas été aussi question d'un chien? Oui, le chien de zigzag. Le brave homme qui me servait l'a attrapé sur la place du trône, au moment où il tenait dans sa gueule une cassette qu'il rapportait à son maître. Courapier l'a muselé, enchaîné. Courapier, c'est le mari de la maîtresse de zigzag, n'est-ce pas? Tous ces gens-là ont des noms étranges. La femme s'appelle Amanda. Ça, ce n'est que ridicule. Alors c'est le chien qui vous a guidé? Oui, jusqu'à la maison en ruine. Il s'y est précipité. Courapier a voulu le suivre, et il a fait la culbute dans le trou. Maintenant, mademoiselle, me voilà suffisamment informée. C'est comme si j'avais fait partie de l'expédition. Et je suis en mesure d'éviter les fausses manœuvres. Nous ne tarderons guère à entrer en action. Ce fiacre par miracle a un cheval qui va comme le vent, et nous approchons de la porte de Saint-Ouen. Il me tarde d'y être, dit simplement Camille. La conversation tomba, mais un quart d'heure après, la voiture s'arrêta dans l'avenue, à la place même où la jeune fille s'était expliquée la veille avec son sauveur, au pied d'un bec de gaz. Les deux voyageurs descendirent, M. de Ménestreau se chargea du paquet qu'il avait apporté, et passa à la porte, flanqué de Camille, qui cette fois ne redoutait plus l'inspection des commis de l'octroi. Elle reprit avec son protecteur le chemin qu'elle avait parcouru la nuit, et elle reconnut parfaitement l'endroit où ils s'étaient rencontrés. La maison de briques apparaissait dans la plaine, à quelques centaines de mètres de la route de la révolte. Mademoiselle Monistrol la montra à Georges de Ménestreau. « C'est plus près que je ne pensais, dit-il, et je suis charmé de voir qu'il n'y a pas d'habitation dans le voisinage. Nous pourrons opérer tout à notre aise. Personne ne viendra nous déranger. » Il avait raison de compter sur la solitude, car ces parages excentriques sont moins fréquentés le jour que la nuit. Les rôdeurs qui s'y embusquent ou qui s'y réfugient pour dormir n'aiment pas la clarté du soleil. « Mais ne perdons pas de temps, reprit Georges. Il nous en faudra pour visiter de fond en comble cette masure. Avançons, mademoiselle, je vous prie. » Camille ne se fit pas répéter l'invitation. Elle ne demandait qu'à marcher. Courapier et Georgette étaient là, peut-être, ensevelis vivants sous les ruines et attendant avec angoisse qu'on les délivrât. Chaque minute de retard pouvait leur coûter la vie. Elle arriva bientôt devant la façade délabrée de la Maison Rouge, et elle reconnut sans peine la façade où Amanda s'était montrée et l'entrée du corridor, où ses auxiliaires avaient disparu. Les volets de cette fenêtre étaient restés ouverts. La complice de zigzag n'avait pas pris la peine de les refermer, après le coup de la trappe, et on pouvait en conclure qu'elle s'était empressée de déguerpir avec son amant et son chien. Monsieur de Ménestreau se fit expliquer la scène telle qu'elle s'était passée, et lorsque Camille lui eut indiqué le chemin que ses amis avaient pris, il dit « Si vous m'en croyez, mademoiselle, nous allons commencer par faire le tour de la maison. Elle doit avoir une porte de derrière, par laquelle les coquins se sont sauvés, et par laquelle nous allons entrer, sans risquer de tomber dans un trou. » Le conseil était bon. Mademoiselle Monistrol le suivit et reconnut que l'autre façade avait encore plus souffert. Le mur présentait de larges brèches, et les parties qui restaient debout menaçaient de s'écrouler. Les briques semblaient avoir été calcinées par la flamme et disjointes par une explosion. « J'y suis !» s'écria Georges. « Cette bâtisse servait de dépôt à un artificier. Un beau jour, les pièces auront pris feu et tout a sauté. L'accident n'est pas d'hier, car des plantes ont poussé dans les fentes de la muraille, et depuis, ces ruines ont dû servir de refuge à tous les malandrins de la banlieue. Je ne serais pas surpris qu'on y eût fait de la fausse monnaie, mais j'ai peine à croire que Zigzag et sa maîtresse aient habité là. Fût-ce provisoirement. Ah, voici l'autre entrée, au bas d'un escalier dont les marches ne me paraissent pas solides. « Elles le sont assez pour nous porter, » dit Camille en s'élançant, avant que M. de Ménestreau pût la retenir. Il fut bien obligé de la suivre, et il arriva en même temps qu'elle dans une grande chambre absolument vide. Il n'y avait que les quatre murs, un plafond crevassé et un plancher branlant. « Nos coquins ont séjourné là, » dit le jeune homme en poussant du pied une bougie éteinte qui avait roulé jusqu'à la porte. « Oui, » dit Camille, « c'est dans cette chambre qu'ils se tenaient quand nous sommes arrivés devant la maison. » Je n'ai vu distinctement que la femme au moment où elle s'est approchée de la fenêtre, mais je suis sûr que l'homme se tenait dans le fond. J'ai même cru l'entrevoir un instant. « Il y était, n'en doutez pas, mademoiselle, » reprit M. de Ménestreau. Et le chien a passé par ici, car voilà son collier. Et la corde qui s'est cassée lorsqu'il l'a échappé à court à pied, et la courroie qui a servi à le museler. Donc ces coquins l'ont emmené avec eux, tant mieux. Il nous aidera peut-être à les retrouver encore une fois. » « Ce qui m'étonne, c'est qu'après avoir escamoté vos deux compagnons, ils ne vous aient pas poursuivis. Je crois qu'ils l'auraient fait si d'autres bandits ne m'avaient pas s'assaillis sur la route. Ils se seront dit que cela allait leur épargner la peine de me tuer. Quoi qu'il en soit, il ne paraît pas qu'ils aient passé le reste de la nuit dans cette masure. Il n'y a d'autre lit que le plancher. Je ne suppose pas non plus qu'ils y reviennent, maintenant que la mèche est éventée. Ils auront trouvé un domicile plus confortable. » « À moins qu'il ne se soit réfugié dans la cave où mes amis sont tombés. C'est invraisemblable. On a beau être scélérat, on n'est même pas à coucher près des cadavres des gens qu'on a tués. Reste à savoir pourtant ce que sont devenues leurs victimes. Et si vous m'en croyez, mademoiselle, nous allons les chercher. Ce n'est pas dans cette chambre vide que nous les trouverons. Sortons-en et allons visiter le corridor. » Ils redescendirent l'escalier ensemble et en avançant le long du mur, lézardé, ils reconnurent que ce corridor traversait la maison de part en part. Et pas plus de ce côté que de l'autre, il n'y avait de porte pour enfermer l'entrée. Il s'agissait d'explorer ce couloir semé d'embûches, et naturellement M. de Ménestreau tint à passer le premier. Il voulait même empêcher Mademoiselle Monistrol de le suivre, mais elle s'accrocha à son pardessus, et elle entra immédiatement derrière lui. Du reste, le chemin était assez large, et on voyait le jour au bout, de sorte qu'il ne risquait pas de mettre le pied dans le vide. Il marchait d'ailleurs avec précaution. Et Georges ne faisait pas un pas avant d'avoir éprouvé la solidité des planches qui le portaient. « Je vois le trou, » dit-il au bout d'un instant. « La trappe est restée ouverte. Voici le moment d'allumer ma lanterne pour explorer les profondeurs de ce caveau. » Il défit son paquet, en tira un fanal attaché au bout d'une longue corde qu'il déroula, et fit de la lumière avec des allumettes à portée à cette intention, car il avait tout prévu. Après quoi, il se remit à avancer lentement jusqu'à l'ouverture, toujours suivi de près par Camille. « Tiens, il y a une échelle, » s'écria-t-il. Il y en avait une, en effet, dont les deux montants dépassaient le plancher et dont l'extrémité devait poser sur le sol de la cave. « J'espère bien que vous n'allez pas descendre, » dit vivement Camille. « Je vais commencer par éclairer ce sous-sol, et quand je saurai ce qu'il y a au fond, je verrai ce qu'il faut faire, » répondit le jeune homme. Et il laissa filer la corde au bout de laquelle se balançait la lanterne. « Georges, » appela Mademoiselle Monistrol en se penchant sur le bord du trou noir. Personne ne répondit. « Ils sont morts, » murmura-t-elle, en se serrant contre son nouvel ami. « C'est fort à craindre. Le falot ne touche pas encore le fond, et j'ai déjà déroulé au moins 10 pieds de corde. Ah, il y touche enfin. Une chute de 5 mètres, c'est plus qu'il n'en faut pour assommer un homme, et surtout un enfant. Et si vos amis avaient survécu à l'accident, ils se seraient servis de l'échelle pour remonter. À moins que Zigzag ne l'ait placé là après coup, pour aller les achever. C'est ce dont je vais m'assurer. » Car j'ai beau promener ma lanterne, je ne vois rien qu'un terrain noirâtre, et je la remonte pour m'éclairer en descendant. Eh bien, je descendrai avec vous, dit Camille. Vous n'y pensez pas, mademoiselle. D'abord, ce chemin n'est pas praticable pour une jeune fille. Encore si vous étiez comme hier, habillée en homme. Mais vos jupes vous gêneraient trop. Et ce n'est pas tout. Si les corps de ces deux malheureux sont là, comment supporteriez-vous ce spectacle? À cette pensée, Camille ne put s'empêcher de frissonner. D'ailleurs, reprit M. de Ménestroux, ne faut-il pas tout prévoir? Si Zigzag, caché quelque part dans ces ruines, s'avisait tout à coup de nous couper la retraite en retirant l'échelle, nous resterions pris dans le traquenard, tandis qu'en restant ici, vous veillerez sur la trappe. Au premier bruit suspect, vous m'avertiriez du danger, et je remonterai vivement pour vous porter secours. Et si, au contraire, le misérable se tenait au fond de cette cave, s'il se jetait sur vous? Il serait mal reçu. J'empoche un bon revolver à 6 coups, et je lui casserai la tête avant qu'il ne me touchât. Et il ne pourrait pas me surprendre, car je vais avoir soin de me faire précéder par ma lanterne. Ayant dit, le jeune homme, pour couper court à cette nouvelle objection, mit le pied sur le premier échelon et commença à descendre sans lâcher la corde qu'il avait eu soin d'attirer à lui, afin de mettre son fanal hors de la portée d'un assaillant caché dans le caveau. Camille resta dans des angoisses inexprimables. Ses yeux suivaient la lumière qui s'éloignait d'elle à mesure que M. de Ménestrault s'enfonçait davantage, et qui ne dissipait que très imparfaitement les ténèbres, où il se plongeait de plus en plus. Enfin, la voix du brave explorateur lui arriva claire et distincte. Il lui criait « J'ai pris pied et jusqu'à présent je ne vois rien. Je vais faire le tour du souterrain. Ne vous effrayez pas. Si vous perdez de vue ma lanterne, ce ne sera pas long. » En effet, la lumière disparut et cette éclipse, quoique annoncée, mit le comble aux terreurs de Mademoiselle Monistrol. Il lui semblait qu'elle ne reverrait jamais son hardi défenseur, le seul véritable ami qui lui resta. Elle attendit 1 minute, 2 minutes, et n'y tenant plus, elle appela M. de Ménestrault par son nom. L'appel resta sans réponse, et le fanal ne reparut pas. Alors le désespoir la prit. « Il est mort, » murmura-t-elle. « Zigzag l'attendait. Zigzag l'aura étranglé. Zigzag tue tous ceux que j'aime. Eh bien, il me tuera aussi. » Et sans plus réfléchir, elle se prépara à descendre à son tour dans ce gouffre d'où personne ne revenait. Heureusement, Mademoiselle Monistrol n'eut pas le temps de donner suite à ce projet insensé. Au moment où elle posait le pied sur le premier échelon, une voix amie lui cria d'en bas « Me voici, mademoiselle !» Jamais soldat d'Afrique, égaré dans les solitudes du Sahara algérien, n'entendit avec plus de joie le clairon de sa compagnie, qu'il cherchait depuis de longues heures. Camille reprit pied sur le plancher du corridor, et en se retournant, vit au-dessous d'elle M. de Ménestrault, qui remontait lestement avec sa lanterne. Peu s'en fallut qu'elle ne se jetât à son cou quand il arriva en haut, un peu essoufflé mais intact. « Eh bien, lui demanda-t-elle. Eh bien, il n'y a personne. Vos amis n'y sont pas. Et Zigzag est loin d'ici. Dieu soit loué, j'ai eu bien peur. Je ne voyais plus votre lumière, et vous ne me répondiez pas quand je vous appelais. C'est que je n'entendais pas. Cette cave est très vaste, et j'ai voulu en faire le tour pour savoir si elle a une issue. Je suis fixé maintenant. On n'y peut entrer et on n'en peut sortir que par cette trappe. Elle n'a jamais servi qu'à emmagasiner du charbon. Il y en a encore des tas réduits en poussière noire. » Alors que sont devenus Courapier et son fils? Ce misérable Zigzag aurait-il enterré leur corps à la place où ils sont tombés? J'ai eu la même pensée que vous, mais j'ai examiné le sol avec beaucoup de soin, et je me suis assuré qu'il n'a pas été remué. Ils se seraient donc sauvés par cette échelle? C'est impossible, car en tombant ils ont dû se blesser gravement. Non, la poussière de charbon a amorti le coup, et j'admettrai bien qu'ils se sont servis de l'échelle pour sortir du caveau. Et ces brigands qui avaient tendu le piège les auraient laissés fuir? Je ne puis le croire. Je vous dirai tout à l'heure, mademoiselle, comment j'explique leur disparition. Mais nous n'avons plus rien à faire ici. Permettez que j'éteigne mon fanal et que je supprime une preuve de notre passage. Il souffla sa lanterne, la posa sur le plancher, empoigna les montants de l'échelle, la souleva d'un bras vigoureux, et quand il lui fit perdre son point d'appui par en bas, la lâcha dans le vide. Elle tomba avec fracas sur le sol de la cave. « Que faites-vous ? » demanda Camille stupéfaite. « Je prends mes précautions pour que personne ne passe plus par ce chemin. « Maintenant partons, » dit M. de Ménestrault en ramassant sa corde et son falot qu'il venait d'empaqueter. Mademoiselle Monistrol ne fit pas d'objection. Elle subissait l'ascendant de son défenseur et elle ne songeait point à discuter ses actes ni à résister à ses conseils. Ils firent encore une fois le tour de la maison et ils reprirent en sens inverse le chemin qu'ils avaient suivi pour y arriver. Camille attendait que M. de Ménestrault parlât, et elle n'osait pas l'interroger. « Mademoiselle, dit-il tout à coup, je vais vous affliger en vous enlevant une illusion. Vous me demandez où sont ces deux saltimbanques auxquels vous vous êtes fiés. Ma conviction est qu'ils sont allés rejoindre Zigzag, et qu'ils étaient d'accord avec lui pour vous attirer dans un piège. Eux, c'est impossible. Courapier est ce lâche, scélérat, qui lui a pris sa femme et Georget déteste sa belle-mère, qui ne cessait de le maltraiter. Tous ces coquins s'entendaient contre vous. La scène de la trappe était préparée d'avance. Vos deux guides s'y sont jetés, sachant bien qu'ils tomberaient sur un tas de poussière, de charbon, et qu'ils ne se feraient pas de mal. Ils comptaient que vous les suivriez dans ce trou. Mais ils auraient pu tout aussi bien me tuer avant d'arriver à la maison. Pas impunément. On vous aurait trouvée morte sur la route de la révolte. On aurait ouvert une enquête, et les soupçons se seraient peut-être portés sur le meurtrier de votre père. Zigzag ne voulait pas mettre une seconde fois la police à ses trousses. Il aimait beaucoup mieux vous étrangler dans cette cave, ou tout simplement vous y enfermer, et vous y laisser mourir de faim. Il aurait retiré l'échelle qui a servi à ses complices pour s'évader. Il aurait refermé la trappe, et personne ne serait jamais venu vous délivrer. Car cette maison en ruine est abandonnée depuis des années. Le coup était bien combiné, et c'est un miracle qu'il ait manqué. Savez-vous pourquoi ils ne vous ont pas poursuivi? C'est qu'ils ont cru que vous étiez tombé dans le caveau, et qu'ils y ont couru d'abord. Camille baissait la tête et ne pouvait pas se décider à condamner ses amis. « Veuillez raisonner froidement, » reprit M. de Ménestreau. « Ce Courapier et son fils ne sont pas restés dans le souterrain. On les a donc aidés à en sortir. Comment se fait-il que vous ne les ayez pas revus? S'ils étaient vos amis, ils auraient couru tout droit chez vous. Ils s'en sont bien gardés. Donc ils étaient contre vous, et tout prouve qu'ils ont décampé avec les autres bandits. Mais rien ne prouve qu'ils ne recommenceront pas. » Zigzag sait maintenant que vous avez juré de le poursuivre à outrance. Il a dû jurer, lui, qu'il se débarrassera de vous. Et nous voyons de quoi il est capable. Il ne se tiendra pas pour battu. Il vous tendra d'autres pièges, et Dieu veuille que vous y échappiez. Il peut aussi vous attaquer la nuit dans cette maison où vous vivez seul, et où vous avez eu l'imprudence de recevoir ses complices. « Que faire donc ?» murmura la jeune fille. « Conseillez-moi, monsieur, vous qui m'avez sauvé. Je vous conseille de déménager. » De louer un appartement dans un quartier plus habité, et de prendre un domestique sûr. Je pourrais, si vous m'y autorisiez, me charger de vous trouver tout cela. Madame Gémozac m'a fait la même proposition, et j'ai refusé. Acceptez, mademoiselle, et ne vous brouillez pas avec une famille dont le chef a votre fortune entre ses mains. Quand vous serez logé convenablement, renoncez aux expéditions dangereuses, et fiez-vous-en à moi pour découvrir l'assassin de votre père. Comment le reconnaîtrez-vous? Vous ne l'avez jamais vu. Et vous, mademoiselle, vous n'avez vu que ses mains, et vous me les avez décrites. J'en sais donc autant que vous, et j'ai sur vous un grand avantage. C'est que Zigzag ne me connaît pas. Voulez-vous me donner plein pouvoir d'agir à votre place? Je vous promets que je réussirai. Camille hésitait à répondre. Georges de Ménestreau reprit. Donnez-vous le temps de réfléchir, mademoiselle. Je ne vous propose pas de vous reconduire au boulevard Voltaire. Je vais, si vous me le permettez, vous mettre en voiture. Et demain à 4 heures, j'aurai l'honneur de me présenter chez vous pour vous soumettre des projets que je ne puis pas, que je n'ose pas vous expliquer ici. Je vous attendrai, monsieur, dit mademoiselle Monistrol, très émue, très troublée, mais très désireuse de savoir où son nouvel ami voulait en venir.